mais tu sais bien, je travaille tout le temps. Et toi aussi, tu es bien trop occupé pour avoir le temps de te faire engrosser. Et même si tu dis que t'es prête à rester au foyer, il faudra bien continuer de payer le loyer. Et ce loyer est déjà trop cher pour nous, avec un enfant, on se retrouverait dans le trou. Acheter